Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 6. De l'ordre de l'Assomption. Le corps a été pris par l'intermédiaire de l'âme, l'âme par l'intermédiaire de l'intelligence, les parties par l'intermédiaire du tout. La grâce a-t-elle été l'intermédiaire de l'union? 1. Le Fils de Dieu a-t-il pris la chair par l'intermédiaire de l'âme? Pour le temps, rien n'a servi d'intermédiaire dans l'incarnation, le Verbe de Dieu s'est uni au même moment la nature humaine tout entière. Mais, dans l'ordre de nature, où l'on considère la noblesse des êtres et leur causalité, on peut dire que le Fils de Dieu s'est uni la chair par l'intermédiaire de l'âme, car, pour la dignité, l'âme tient le milieu entre Dieu et le corps. Pour la causalité, elle donne à la chair la qualité qui la rend susceptible de l'assomption. Note. Si le Verbe s'est uni la chair par l'intermédiaire de l'âme, comment se fait-il, demandera quelqu'un, qu'il y resta uni, alors même que l'âme en fut séparée? Quand une chose est la cause d'une autre par voie d'aptitude et de convenance, rien n'empêche que son effet continue d'exister, quand elle est supprimée. Que quelqu'un, par exemple, après avoir servi d'intermédiaire à l'amitié de deux personnes, vienne à s'éloigner, l'amitié peut persévérer néanmoins, c'est ainsi que l'union du Verbe de Dieu avec la chair s'est maintenue. Alors même que l'âme s'en est éloignée. Fin de la note. 2. Le Fils de Dieu a-t-il pris l'âme par l'intermédiaire de l'intelligence? Si le Fils de Dieu a pris la chair par l'intermédiaire de l'âme, il a pris aussi l'âme et les facultés de l'âme par l'intermédiaire de l'intelligence. Cela résulte de la dignité même de cette faculté et de la convenance de l'Assomption. En effet, de toutes les puissances de l'âme, l'intelligence est la plus élevée, la plus digne et la plus semblable à Dieu, à l'image duquel elle est faite. L'âme elle-même ne tire pas d'ailleurs la convenance qui la rend susceptible de l'Assomption. C'était sur ce fondement que saint Jean Damascène disait « Le Verbe de Dieu s'est uni à la chair par le moyen de l'intelligence ». Qui est la puissance la plus spirituelle de l'âme et la plus rapprochée de Dieu. 3. Le Fils de Dieu a-t-il pris l'âme avant la chair? L'âme, dit fort bien le saint que nous venons de citer, n'a pas été unie, comme quelques-uns l'ont prétendu, au Verbe de Dieu, avant l'incarnation accomplie dans le sein de la Vierge, et qu'il a fait appeler le Christ. Loin de nous l'opinion d'Origène, qui a supposé que l'âme du Christ a été créée dès le commencement. De deux choses l'une, ou elle aurait eu une existence propre et indépendante du Verbe, ou bien elle lui aurait été unie dès le principe, pour s'incarner ensuite dans le sein de la Vierge. Dans le premier cas, elle n'aurait pas été unie au Verbe quant à sa subsistance. Dans le second, elle ne serait pas de la même nature que les nôtres, qui sont unis à un corps par leur création même. 4. La chair du Christ a-t-elle été prise par le Verbe avant qu'elle fût unie à l'âme? De même que l'âme n'a pas été prise par le Verbe avant la chair, parce qu'il est contre sa nature d'exister avant d'être unie au corps, de même la chair n'a pas dû être prise avant l'âme. Parce qu'elle n'est chair humaine que par son union avec une âme raisonnable. Note. Ce qui rend la chair propre à être unie à la personne du Verbe, c'est sa qualité de chair humaine qu'elle tire de son union avec l'âme. Fin de la note. 5. Le Verbe a-t-il pris la totalité de la nature humaine par l'intermédiaire de ses parties? Le Verbe a plutôt pris les parties par l'intermédiaire du tout. À vrai dire, l'assomption du tout et des parties s'est accomplie simultanément, mais, Comme il a pris le corps à cause de son rapport avec l'âme, il a pris aussi le corps et l'âme à cause de leur rapport avec la nature humaine tout entière. 6. Le Fils de Dieu a-t-il pris la nature humaine par l'intermédiaire de la grâce? Il y a dans le Christ deux sortes de grâces, celle de l'union et la grâce habituelle. La grâce de l'union, c'est l'être personnel donné gratuitement à la nature humaine dans la personne du Verbe. Évidemment, cette grâce n'a pas été l'intermédiaire de l'Assomption. Or, la grâce habituelle en résulte suivant ces paroles. Nous avons vu sa gloire comme Fils unique du Père. Il était plein de grâce et de vérité. Jean 1, 14. Donc celle-ci peut encore moins être considérée comme l'intermédiaire par lequel le Verbe a pris la nature humaine. Mais si, par le mot grâce, on entend la volonté de Dieu, qui fait ou donne gratuitement quelque chose, dans ce sens l'union s'est faite par la grâce, qui en a été, non l'intermédiaire, mais la cause efficiente. Note. Dire que la grâce a été le moyen intermédiaire de l'union, ce serait supposer qu'elle existait dans l'humanité du Christ avant que cette humanité ne fût unie au Verbe. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.